Les jeunes veulent plus obéir, qu'on leur dise gangster. Trop d'élise, ont d'autres délires, comme devenir des gangsters. Quartier délabré, ennui, drogue, triste inventaire. Travail, réussir à 20 ans, on y croit avant-hier. La France adore voir les jeunes viscères de la dope. Tout juste ado, l'égalité va le faire à d'autres. De tôle et taudi, elle est consommatrice. Rien consommatrice, faut dire que la street est consolatrice. Les grands sont devenus détox, ils feront pas comme eux. À mon époque, c'était pareil, on a quitté l'école. Se cogne à une société qui nous met en cause, car elle juge les conséquences sans étudier les causes. La France nous remplit d'une colère noire et peine. On sait le mal qui la gangrène quand on est noir et beur. On nique l'état, sort du comico, l'œil au père noir. Ça est sauf, frère qu'on saoule pour que nos peurs soient. Les jeunes d'ici s'appellent ceux qui nous déhaut. Les coups déguisés ne s'oublient pas avec des kiss et des roses. Les jeunes n'ont pas la vie qu'ils avaient prédit. Trop près de l'enfer, loin de la maison, dans la prairie. Les jeunes de chez moi ont tous perdu la raison. Le chétan a étendu son réseau sur le chemin de la maison. Les jeunes d'ici ont juste l'ambition de s'en sortir, faire fortune, mais en fin de compte font encore pire. Les jeunes de chez moi ont tous perdu la raison. Le chétan a étendu son réseau sur le chemin de la maison. Les jeunes d'ici ont juste l'ambition de s'en sortir, faire fortune, mais en fin de compte font encore pire. Les jeunes d'ici n'ont jamais voulu être malhonnêtes, juste la mayonnaise, plus vos marionnettes. Harcelés dans le périmètre, beaucoup vont périr, mais leur sacrifice semble nécessaire pour ce pays de merde. Les jeunes d'ici voient la réussite se désister, pas moins d'hésiter. L'action, la seule façon d'exister. Ils ouvrent des fours et s'en vont au charbon. Association de malfaiteurs, des millions sur chaque compte. En fin de compte, tout ça a très peu d'importance. 1% s'en sort, les autres tentent leur chance. Sèche tes larmes, on va pas s'apitoyer sur nous-mêmes. La volonté est surhumaine, on verra où le sort nous mène. Les jeunes en bas du bad boss, ça coûte pas de force. La réussite, il paraît que l'État s'aime les bad boys. Veulent des grosses liasses, poches remplies, les gosses lasses. Alcool flash, on ouvre les portes à l'arme Yougoslave. Les jeunes de chez moi ont tous perdu la raison. Le chétan a étendu son réseau sur le chemin de la maison. Les jeunes d'ici ont juste l'ambition de s'en sortir, faire fortune, mais en fin de compte font encore pire. Les jeunes de chez moi ont tous perdu la raison. Le chétan a étendu son réseau sur le chemin de la maison. Les jeunes d'ici ont juste l'ambition de s'en sortir, faire fortune, mais en fin de compte font encore pire. Les jeunes de chez moi traînent zone, se font schéma, cherchent issue de secours mais comprennent pas le schéma. Chez moi, les jeunes veulent de l'oseille, d'escalade, l'escalade veille tard, les graines du mal germent, c'est l'escalade. L'école les nourrit, mensonger de salade. La rue donne de bons salaires, trop tard pour qu'on s'alarme. Déception, échec, pas d'exception qu'on tolère. Le tonnerre gronde, la violence ou l'expression de la colère. Les jeunes de chez moi encaissent sans rien dire. La frustration grandit, tu peux craindre le pire. Prie ou pleure, en proie à une justice raciste. L'égalité des chances n'est pas une vérité auquel on assiste. Asile, prison, la vie fait de vrais durs. Nos rêves partent en fumée comme le moindre bout de verdure. Perdue, les jeunes s'engouffrent à la moindre ouverture. Percue, chez nous la sagesse n'est plus une vertu.